Shangilia vizuri Bwana. Tunyoshe mikono yetu mbele ya Mungu. Expose ton cœur. Naanza kuweka moyo wako. Dit mon Dieu. Useme Mungu. Je suis venu avec mon cœur. Nimekuja na moyo wangu. Je suis disposé. Niko tayari. Je suis prêt. Niko tayari. Quelque prix le Seigneur. Kuna mtu ambaye anamuomba Bwana. Vas-y, vas-y. Ingia ndani ya maombi. Dit Seigneur, je suis prêt. Sema Bwana niko tayari. Nous sommes là pour toi, nous sommes venus te rencontrer. Merci pour la puissance qui est en toi. Et que tu disposes ce soir pour rencontrer quelqu'un. Merci pour ton amour et ton cœur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes œuvres. Merci pour l'ouvrage de tes mains. Merci pour les démonstrations de puissance que tu as montré à travers de l'histoire, au travers de la création. Tu es Dieu. Tu as toujours été Dieu. D'autres dieux sont nés ici sur la terre. Mais toi tu restes l'éternel Dieu. D'éternité en éternité tu es Dieu. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Je reconnais ta personne. Je reconnais ta personne. Je reconnais ta personne. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. À toi la gloire. La puissance. C'est le règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, frère, sœur, de tout ce que nous sommes en train d'apprendre, si un être humain pouvait se vendre à quelqu'un, si on cherchait un marché où on doit aller se vendre, tungetafuta soko ambao mtu anaweza enda kujiuzisha. Moi j'irai dans ce marché ici. Mimi ningeenda ndani ya soko hii. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Kuna mtu aelewe ile ambayo nayo sema. Si tu devais te vendre à quelqu'un, kama ungepasa kujiuzisha kwa mtu, ça serait le meilleur marché. Hii ingekuwa soko nzuri kabisa. Vous avez très froid. Kuna baridi sana. Vous avez très froid. Una baridi sana. Dieu Dieu Mungu est suffisant pour nous mériter. Anatosha ili aweze kutustahili. Si je dois donner ma vie à quelqu'un, kama napaswa kutoa maisha yangu kwa mtu, au moins à ce Dieu ici, heri ni yapane kwa huu Mungu. Si je dois donner mon cœur à quelqu'un, kama napaswa kupana moyo wangu kwa mtu, mieux le donner à celui-ci, heri ni ipatie huyu. Si je dois donner mes richesses à quelqu'un, kama napaswa kupatia utajiri wangu, mieux kwa le mtu, donner à celui-ci, ni heri kuipatia huyu. Si je dois donner mon corps à quelqu'un, kama napaswa kupana mwili wangu kwa mtu, mieux le donner à celui-ci, ni heri kuipatia huyu. Bwana asifiwe. Amen. Aidez-moi à saluer ton voisin. Nisaidie usalimu jirani yako. Courage malgré le froid. Umwambie kuwa na moyo hata baridi iko. Mutie moyo, mutie moto. Mutie moto, mutie moyo. Tu vas l'encourager. Encourage-le, essaye. Utamtia moyo. Mutie moto. Encourage-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir notre frère. Tunatamani kupokea ndugu yetu. Le pasteur Samuel. Mchungaji Samuel. Qui est à Dungu. Ambaye anakuwa pa Dungu. Bon arrivé. Karibu kwako. Alléluia. Amen. Parlez-nous un peu, même une minute. Ongea nasi, hata dakika moja tu. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes à Dungu depuis une année au mois de novembre. Dieu est en train de faire beaucoup de choses à Dungu. Et si ce n'était pas Dieu, on ne serait pas là. Il fait beaucoup de choses. Et nous allons citer quelques petites choses qu'il est en train de faire. Au sein de l'église, déjà depuis une année, nous avons organisé une union musicale. Tangu mwaka moja tumekuwa sasa na kwaya. Il y a une équipe d'intercession déjà. Kuna waombaji tayari. Et il y a une équipe de protocoles en gestation et de l'ECODIM déjà bientôt. Na kuna kundi la protokoli ambalo liko linazalika na shule la Jumapili pia. Et dans la communauté, nous sommes aussi en train de prêcher dans les radios. Ndani ya shirika tunakuwa tukihubiri pia ndani ya maradio. Chaque mardi et jeudi. Kila siku ya pili na siku ya ine. Et Dieu fait grâce au travers de la radio, beaucoup de personnes viennent à l'église. Na Mungu anasaidia kupitia radio watu wengi huja kanisani. Et il y a même d'autres pasteurs qui nous ont découvert au travers de la radio et ils viennent suivre aussi des formations à domicile à la maison. Na kuna wengine wachungaji wametugundua kupitia radio wanakuja kupata mafundisho hata nyumbani. Et Dieu fait beaucoup de choses. Na Mungu anafanya mambo mengi. Il y a même certains pasteurs qui ont voulu venir être avec nous. Na kuna wachungaji wengine walitamani waje wabaki pamoja nasi. Mais nous avons dit que ce n'était pas le moment. Na tukawaambia sio muda. Qu'ils aillent d'abord prier et demander à Dieu si réellement ils sont appelés à être avec. Waende kwanza waombe Mungu na awaambie kama hakika watakuwa pamoja nasi. Au-delà de ça, il y a aussi Dieu a permis que au travers des cotisations de membres ou des dons qu'ils ont offerts. Mungu amesaidia kupitia changizo na sadaka za Wakristo. Il y a eu l'achat de la parcelle déjà. Tumenunua tayari kiwanja cha kanisa. Et Dieu a fait vraiment beaucoup de miracles. Na Mungu amefanya miujiza nyingi. On ne s'attendait même pas. Tulikuwa tusubiria hata. Il y a deux frères de l'église en intervalle de deux mois, trois mois presque. Kuna wandugu mbili wa kanisa kwa miezi tatu. Ils ont eu à offrir réciproquement chacun un groupe électrogène. Walitoa kila mmoja groupe électrogène moja kwa ajili ya kanisa. Le premier groupe était en panne. Ya kwanza ilikuwa inaharibika. On devait chercher les pièces et on n'a pas trouvé à Dungu. Na tungepaswa kutafuta vyombo tukupata pa Dungu. On a envoyé la demande à Isiro. Na tukatuma ombi hilo pa Isiro. Et la personne dit comment est-ce que l'œuvre de Dieu va freiner parce que le groupe est en panne. Na mtu mmoja akasema sababu gani kazi ya Mungu itasimama sababu hii groupe na haribika. Et il y a un papa avec qui nous servons là-bas. Na kuna baba moja tunayotumika pamoja naye. C'est lui qui était allé à la réparation. Ni yeye ndiye alienda kwa ajili ya kutengeneza. Et on a commencé à les malmener. Na wakaanza kumsumbua huko. Il dit pourquoi vous avez un grand Dieu et vous ne savez pas venir nous demander un groupe électrogène. Na kisha anasema sababu gani mna Mungu mkubwa na kisha hamjui hata kuja kutuomba groupe électrogène tuwape. Alors viens maintenant va récupérer le groupe électrogène de Dieu. Sasa kuja utoae groupe électrogène ya Mungu. Et on a pris le groupe on a ramené à l'église. Na tukaitwana na tukaileta kanisani. Et Dieu est en train de faire beaucoup de grandes choses. Mungu iko nafanya mambo makubwa. Comme on le disait ça fait une année. Kama tulikuwa tunasema inakuwa mwaka moja. Nous avons l'espace du temple qui peut contenir 100 personnes ou 110, 120. Nafasi ya ibada inaweza enea watu 100 ama 120. Et déjà maintenant là nous commençons à remplir l'espace. Na hapa sasa tunaanza kujaza ile nafasi. Et on a besoin de nous élargir un peu. Na tunatafuta kupanua kidogo. Et c'est comme ça qu'on a eu l'intention ou l'initiative. Na ndio tulikuwa na shabaha. De déplacer un peu les enfants dans un hangar. Ya kuweka watoto ndani ya hangar. Pour qu'on essaye de voir si les adultes vont encore s'ajouter. Ili tupime kuona kama wakubwa wataongezeka watu wazima. Papa Tracy quand il est arrivé. Papa Tracy alipofika. On a continué la formation des membres de l'Ecodim. Tukaendelesha na mafundisho ya wanamemba wa shule la Jumapili. Le premier culte de l'Ecodim sera ce dimanche ici qui va arriver. Na ibada ya kwanza ya shule la Jumapili itakuwa hii siku ya Mungu ijayo. Donc par rapport au projet, nous sommes en train de penser à acheter 2 baffles. Kufuatana na miradi tunazo tunatamani kununua baffle mbili. Pour appuyer les instruments que nous avons. Kwa ajili ya kusupporti vyombo vya muziki tunavyo. Nous avons aussi envie d'acheter des chaises plastiques parce que les gens viennent un peu nombreux et on peut même installer à l'extérieur pour qu'ils écoutent même la parole de Dieu. Na tuna shabaha pia ya kununua viti vya plastiki tunaweza kutia nje ili watu wasikilize neno kama wamekuja wamechelewa. Sous une autre forme, nous sommes aussi en train d'encadrer les jeunes. Na tuko tunaangalia vijana. Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ndani ya uanzilishaji kampuni. Nous leur offrons des formations. Tunawapatia mafundisho. Ils viennent à la maison, on leur donne des formations et puis ils rentrent. Wanakuja nyumbani tunawafundisha na kisha wanarudi. Et Dieu est en train de nous aider à le faire. Na Mungu yuko anatusaidia kwa kuifanya. C'est grâce à vos prières que nous tenons. Na ni kupitia maombi yenu ndio tunaendelea kushirikiana. Il arrive des fois on pense à Goma, il arrive des fois on veut ressembler à Goma à Dungu. Mara inafika wakati tunafikiria Goma tunatamani tufanane Goma hata tukiwa Dungu. Mais Dieu nous aide encore à comprendre qu'il peut agir à Goma comme à Dungu. Lakini Mungu anatusaidia tuelewe ya kwamba anaweza kutenda Goma hata na Dungu. Et ça nous encourage quand nous recevons l'appel de notre papa tous les jours. Na inatutia moyo tunaposikia baba anatuita kila siku. Même quand nous sentons que nous voulons baisser bras, il nous encourage. Hata wakati tunatafuta kuchoka anatutia moyo. Et ça nous fait du bien, merci beaucoup. Na inatufurahisha, asante sana. Est-ce que on peut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on vient d'entendre ici? Je tunaweza kumshukuru Mungu kwa yote ambayo tumesikiliza hapa. Tunasimama tunasema haleluya. Wokovu utukufu na uwezo ni vya Mungu wetu. So adungu eh? Haleluya! Le salut! Utukufu et la puissance na uwezo so are not ni vya Mungu wetu. Hapa tunasema na baridi. On va chasser l'esprit du froid. Tutawafukuza hii pepo ya baridi. De manière plus vivante. Tutasema waitamana wae. Haleluya. Le salut. Utukufu na uwezo ni vya Mungu wetu. Alléluia! Wokovu! Utukufu! Na uwezo! Ni vya Mungu wetu! Tunashangilia Bwana! Asseyez-vous. Munaweza kuketi. Et vous savez quoi? Mnajua nini? Votre serviteur là, mtumishi wenu huyu hapa, se marie la semaine prochaine. Atafunga ndoa juma ijayo. Je vais inviter sa fiancée, karibu. Nitaalika mchumba wake, karibu. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Je tunaweza kumpokea. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Donc rendez-vous. Ni kusema tukutanane. Le 20. Tarehe 20 ya mwezi huu. La semaine prochaine le 20. Wiki ijayo tarehe 20. Faut pas rater ce mariage. Ayombo kose ndoa hii. Alléluia. Amen. Qui est content? Nani anafurahi? Vous savez, mnajua, quand on est en mission seule, wakati unakuwa missioni wewe mwenyewe, célibataire. Aha, unakuwa kapeni. C'est pas bon, hein? Ah, sio vizuri, eh? N'est-ce pas, c'est pas bon, hein? Sio vizuri. C'est pas bon. Sio vizuri. Peut-être c'est pourquoi il pensait à Goma. Nawaza ndio maana alikuwa akifikiria Goma. Kilamara. Donc tu te maries et puis vous partez ensemble. Unafunga ndoa kisha mnenda pamoja. D'accord. Sio hivyo? Tu es prête? Uko tayari mama? Okay. Allez vous asseoir. Mwende mukaketi. Alléluia. Amen. Nous disons aussi bienvenue à notre fils Josué Muderwa. Tunasema karibu kwa mwana wetu Josué Muderwa anaweza kusalimu mkutano. Il est à Nairobi, il est en train de faire son PhD. Iko Nairobi iko nafanya PhD. On aura des docteurs ici, nous vous savez, non? Tutakuwa na madakta hapa. Il y a déjà quelques-uns. Kuna wamoja tayari. Et celui-là arrive. Na ule naye anatafuta kufika. Des docteurs. Wa doctor. Des professeurs. Ma professeur. Et ils vont enseigner dans notre université. Na watafundisha kwenye university yetu. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi accueillir notre fils Amos. Na ningependa nimpokee mwana wetu Amos. Avec son épouse et les enfants. Pamoja na mke wake na watoto. Saluez l'assemblée aussi. Salimu mkutano pia. Le frère là, il est fatigué là. Tu es fatigué frère? Ils sont à Beni, à l'Arche Beni. Wakupa Beni kwa Arche Beni. Et ils ont voulu participer à aux grâces sondables. Na walitamani wahudhurie kwa hii wiki ya neema isiyo na kipimo hapa. Alleluia. Amen. Soyez bénis au milieu de nous. Mubarikiwe miongoni mwetu. Amen. Amen. Amen. Amen. Et il y a notre frère qui est aussi à l'Arche Beni. Na kuna ndugu yetu naye aliye pa Arche Beni. Il était déjà venu il y a quelques jours. Alikuwa ameshakuja tayari kuna siku. Chacha. Pacifique. Ni ndugu Pacifique. Vous avez déjà eu sa vidéo et son album. Vous l'avez déjà vu, hein? Meshaona kanda yake. Il est très fort. Et puis la plupart des spots, c'est lui qui fait, hein? Zaidi ya maspot ya utangazaji, yeye ndiye anayefanya. Chave, tout ça, c'est lui qui a fait. Ni ndiye aliyefanya vitangazo hivyo. Si tu as besoin de faire des spots pour toi, appelle-le. Kama unahitaji ufanye vitangazo muite. Amen. Amen. Amen. Amen. Il est écrit. Imeandikwa. Oh Dieu. Eh Mungu. Si tu déchirais les cieux, ungepasua mbingu, et tu descendais, na unasuka, le Dieu dont nous avons parlé, Mungu tuliyemzungumzia, s'il pouvait déchirer les cieux, angepasua mbingu, et descendre, na asuke, grave, ni hatari. Il descendrait avec son être. Angesuka na utu wake. Il descendrait avec sa personne. Angesuka pamoja na utu wake. Il descendrait avec sa puissance. Angesuka pamoja na uwezo wake. Et le psalmiste dit, si tu déchirais les cieux. Na mwimbaji wa zaburi anasema ungelifungua mbingu. Et tu descendais. Na unasuka. Combien j'ai soif de ça. Marangapi natamani hii. Je voudrais que cela arrive. Na ningependa hii ifike. Dans la vie de quelqu'un. Ndani ya maisha ya mtu. dans l'église Arche. Ndani ya kanisa hili. Dans cette mission Arche. Ndani ya mission ya Arche. Que le Dieu des cieux. Mungu wa bingu. Descende. Asuke. Quelle fierté. Furaha gani. Quelle grâce. Neema gani. Quelle puissance. Uwezo gani. Ce soir, jioni ya leo, nous voulons commencer le deuxième chapitre de ce chapitre. Tunatafuta kuanza kipengele cha pili cha kipengele hiki. Pendant quelques jours, tulisema kuna siku chache. La gloire de Dieu en Dieu. Utukufu wa Mungu ndani ya Mungu. Nous voulons commencer à parler de la gloire de Dieu en son bien-aimé. Tunatamani sasa kuzungumzia utukufu wa Mungu ndani ya mpenzi wake anayependezwa naye. Upendo utukufu wa Mungu. Le cabot de Dieu. Uzito wa Mungu. Dans la vie de son bien-aimé. Ndani ya maisha ya ule anayempenda. Qui est bien-aimé de Dieu ici. Kuna anayependwa na Mungu hapa. Tu peux acclamer le Seigneur. Unaweza kumshangilia Bwana. Parce que sababu même le fait d'être bien-aimé de Dieu. Hata hii tendo ya kuwa anayependwa na Mungu. C'est le produit de la puissance de Dieu. Hii inatokea ndani ya uwezo wa Mungu. Alikuondoa ndani ya dhambi. Alikuondoa ndani ya kifo. Atakuondoa mbali. Et il a fait de toi son bien-aimé. Atakufanya wewe kuwa anayependezwa naye. Même si certains d'entre nous nous le décevons. Hata kama wengi kati yetu tunamvunja moyo. Sio hivyo. Mais lorsqu'il descend dans la vie de son bien-aimé. Lakini anaposhuka ndani ya maisha ya ule anayependezwa naye. Nini inayopitikana? Qu'est-ce qui se passe? Nini inayopitikana? Nous avons vu que la gloire de Dieu tumeona kwamba utukufu wa Mungu lui-même ndani yake yeye mwenyewe se manifeste par son être. Inaonekana kupitia ile ambayo iko. Et son être na ile ambayo iko est repéré au travers inaweza kutambulika kupitia son infinité kutokuwa na mwisho kwake de sa déité uungu wake et de sa souveraineté ou son indépendance na uhuru wake. Alléluia. Amen. Ensuite baadaye cette gloire de Dieu en lui-même hii utukufu wa Mungu ndani yake yeye se manifeste inaonekana par sa personne kupitia utu wake. Et là dedans nous avons vu na humo ndani tuliona son cœur moyo wake ses desseins mipango zake son caractère tabia yake sa personnalité na msimamo wake. Et ensuite nous avons vu sa puissance na baadaye tukaona uwezo wake la facette de la gloire de Dieu qui est révélée par sa puissance inayofunuliwa kupitia uwezo wake qui se manifeste par inayoonekana kupitia ses œuvres matendo yake l'existence vyote vilivyo la création uumbaji sa puissance uwezo wake. Quand la gloire de Dieu wakati utukufu doit venir dans la vie de l'homme. Kuja ndani ya maisha ya mwanadamu. Cela voudrait dire. Hii inamaanisha kusema que son être, ya kwamba ila sa personne, utu wake, et sa puissance na uwezo wake, dans ses multifacettes, ndani ya hii nyuso zote, viennent habiter dans un être humain. Vinakuja na vinaketi ndani ya maisha ya mwanadamu. Imaginez que c'est toi. Sasa angalia kwamba huyo ni wewe. Imagine que c'est toi. Tazama kwamba ni wewe. Si tu déchirais les cieux. Ungefungua mbingu. Et que tu descendais. Na unashuka. Qu'est-ce qui serait arrivé? Nini ambayo ungepaswa fika? Son être. Ile ambayo iko. Sa personne. Utu wake. Et sa puissance. Na uwezo wake. Dans leur multifacette. Ndani ya nyuso zao zote. Serait arrivé dans ma vie. Vingepaswa kufika ndani ya maisha yangu. Ses œuvres matendo yake seraient arrivées zingepaswa fika dans ses œuvres ndani ya matendo yake. Toi et moi nous sommes Mimi na wewe tunakuwa kazi ya mikono yake imeandikwa. Mana, nous sommes son ouvrage. Sisi ni kazi ya mikono yake. Ayant été créé en Jésus-Christ. Tulikuwa tumeumbwa ndani ya Yesu Kristo. Pour les bonnes œuvres. Kwa ajili ya matendo mema. Qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ili tuweze kuyatimiza. Nous sommes son ouvrage. Sisi ni kazi ya mikono yake. La personne de Dieu utu wa Mungu vient dans son ouvrage. Inakuja ndani ya kazi yake. Ou dans ses ouvrages. Ama ndani ya kazi za mikono yake. Que toi et moi nous sommes. Na wewe na mimi tuko. La puissance de Dieu uwezo wa Mungu vient dans ses ouvrages. Inakuja ndani ya kazi za mikono yake. La personne de Dieu utu wa Mungu vient dans ses ouvrages. Inakuja ndani ya kazi ya mikono yake. Pour s'installer. Ili uweze kuingia. En nous. Ndani mwetu. S'installer. Kuingia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ce soir, jioni ya leo, j'aimerais que tu dispose toute ton attention. Nataka uwe na uangalisho wako wote. Parce que nous voulons parler de ce qui nous concerne. Sababu tunatamani kuzungumzia ile inayotuhusu. Il est vrai que hakika tu ne vas pas très bien comprendre ce dont nous parlons. Ni kweli utaelewa vizuri ile ambayo tutaizungumzia. Si tu n'as pas bien compris ce qui précède. Kama hukusikiliza ile ambayo ilitangulia. Si tu n'as pas bien compris Dieu. Kama hukuelewa vizuri Mungu. Et qu'on te dit que ce Dieu en question vient en toi. Na wanakuambia kwamba Mungu huyo anakuja ndani mwako. Haujui nani anayekuja ndani mwako. Tu ne sais pas. Haujui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit. Imeandikwa. Dans Exode chapitre 33. Verset 13 et 14, notre texte de base de ce programme. Ndani ya kitabu cha kutoka makumi tatu na tatu, kumi na tatu hadi kumi na ine, andiko letu la msingi la mkutano. Regardez cela, s'il vous plaît. Munaweza kutazama andiko hili tafazali. La discussion se passe entre Moïse et Dieu. Hapa mazungumzo haya yanapitikana kati ya Musa na Mungu. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Yeah. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je marcherai moi-même. Qui va marcher lui-même? Yahweh. Maintenant, commence à te le représenter. Sasa anza kuona Mungu. Yahweh dit, Yahweh na, je marcherai moi-même. Yahweh anasema nitatembea mimi mwenyewe. Yahweh dit, Yahweh anasema, je marcherai moi-même. Mimi mwenyewe nitatembea avec toi. Pamoja na wewe. Moi-même. Mimi mwenyewe. C'est-à-dire, ni kusema, le créateur, muumbaji, celui qui engendre l'existence. Les puissants. Mungu mwenye uwezo. Le Dieu qui a un cœur. Mungu ambaye ana moyo. Le Dieu qui a une personne. Mungu ambaye ana utu. Le Dieu qui a un caractère. Mungu ambaye ana tabia. Le Dieu qui maîtrise l'univers. Mungu ambaye anaongoza ulimwengu. Le Dieu qui détient le qui garantit l'existence. Mungu ambaye anasikilia kukua. Viens et il te dit. Anakuja na nakuambia. Moi le Dieu là. Mimi Mungu huyo. Je viens marcher ninakuja avec kutembea pamoja na wewe mimi mwenyewe. Je comprends Moïse. Ninaelewa Musa. À un moment Dieu était fâché. Wakati mmoja Mungu alikasirika. Si je marche avec vous, je vais vous exterminer. Anasema nikitembea pamoja na wewe nitauangamiza. Sababu nyinyi mnakuwa taifa ambalo lina shingo ngumu. Nitakupatia malaika. L'ange va aller avec vous. Na malaika ataenda pamoja si nanyi. Je marche avec vous, je vais vous finir. Lakini mimi nikitembea pamoja nami nanyi mnitauangamiza. Moïse dit, Musa anasema, Dieu, Mungu, si tu ne marches pas avec nous, kama utembee pamoja nasi, on part pas d'ici. Hatutatoka hapa. Et puis Dieu lui dit, na kisha Mungu anamwambia, si tu veux exterminer ces gens, kama unatamani kuangamiza hawa watu, extermine d'abord ici. Niangamize kwanza mimi mwenyewe mahali hapa. Nimalize kwanza mie. Extermine moi d'abord. Tu vas rester finir le reste. Utamaliza kuangamiza wengine. Et moi aussi je ne serai pas en train de voir. Moïse, tu parles avec Dieu comme si c'est ton ami. Mungu, Musa, unazungumza na Mungu kama vile rafiki yako. C'est comme si tu le connais. Ni kama vile unamjua. Quelqu'un va connaître Dieu. Kuna mtu atamjua Mungu. Commencer à lui parler comme Moïse. Na ataanza kusema kama Musa. Moïse. Musa. Moïse dit. Musa anasema. Dieu. Mungu. Je ne suis pas d'accord. Mimi sikubali. Et Dieu dit OK. Na Mungu anasema sawa. Je change d'avis. Nabadilisha. Wams. Dieu. Mungu. Quel Dieu change d'avis? Mungu gani ambaye anabadilisha kama mzi yake? Sur une proposition d'un individu, d'un être humain. Tu y pendekezo ya mwanadamu mmoja. Le créateur. Muumbaji. Celui qui a engendré l'existence. Kuna ambaye alisaka kukua. Il change d'avis. Anabadilisha mamzi yake. Quel est le problème? Shida ni gani? Il a affaire à son bien-aimé. Anakuwa pembeni na mpenzi wake. J'aimerais être son bien-aimé. Ningependa niwe mpenzi wake. Me cherche être son bien-aimé. Sutafute kuwa mpenzi wa Mungu. Si tu ne marches pas avec nous, Dieu. Kama utembee pamoja na si Mungu. Ne nous laisse pas partir d'ici. Usituache tuondoke mali hapa. Et Dieu dit OK. Na Mungu anasema sawa. Je vais alors partir avec vous. Nitaenda sasa pamoja nanyi. Je vais aller avec vous. Nitaenda pamoja nanyi. Ce qui est merveilleux. Inayokuwa ya kufurahisha. C'est que Dieu aussi connaît ce qu'il est. Ni kwamba Mungu naye anajua iko nani niliwaambia. Que finalement, ya kwamba ukiangalia kwa kweli, celui qui connaît Dieu, anayemjua Mungu, celui qui ne saura connaître parfaitement Dieu, ule ambaye atamjua Mungu kihakika ni Mungu yeye mwenyewe. Hello. Hello. Vous êtes fatigué, tuachie hapa. Mumechoka. Vous êtes fatigué. Mumechoka. Je peux voir vos mains. Naweza kuona mikono yenu. Chaque fois que tu sens que tu as froid, tu chasses l'esprit de froid. Kila mara unaposikia baridi, unafukuza pepo ya baridi. Unairipua. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dieu, Mungu, connaît Dieu. Anajua Mungu. Parce que nous nous connaissons Dieu. Sababu sisi tunajua dans Mungu. La mesure de notre petite tête. Ndani ya kipimo cha ya kichwa chetu ndogo. Mais Dieu connaît Dieu. Lakini Mungu yeye anajua Mungu. Même quand la création n'était pas encore là. Hata wakati umbaji ulikuwa hujakuwa. Dieu connaissait Dieu. Mungu alikuwa anajua Mungu. Nous, vous savez quand vous lisez Genèse 1:1. Unajua unaposoma kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 1. Il y a un sentiment qui vient. Kuna hisia inayokuja. Qu'est-ce qu'il y avait? Nini iliyokuwa? Avant Genèse 1:1. Mbele ya Mwanzo 1:1. Ça vous est déjà arrivé? Imeshawafikia. Ça vous est déjà arrivé? Imeshawafikia. Qu'est-ce qu'il y avait avant Genèse 1? Nini iliyokuwa mbele ya Mwanzo 1:1? Qui sait? Nani anayejua? Dieu sait. Mungu yeye anajua. Et dit quand nous le verrons, anasema tutakapomuona, nous serons semblables à lui. Tutamfanana. Et nous le connaîtrons tel qu'il est. Na tutamjua jinsi alivyo. Et nous comprendrons les choses que nous ne comprenons pas. Na tutaelewa mambo ambayo hatujaelewa. Parce que nous allons pénétrer la dimension supérieure. Sababu tutaingia ndani ya kiwango cha juu. La divinité. Kiwango cha uungu. On ne sera plus des vulgaires êtres humains. Na hatutakuwa watu wanadamu kawaida. Nous serons changés en un autre. Tutabadilishwa kuwa watu wengine. Nous allons prendre l'immortalité. Tutachukua maisha ya bila kufa. Et nous serons capables de lire les choses, de comprendre les choses. Na tutakuwa na uwezo wa kuelewa mambo. Au-delà de la compréhension actuelle. Zaidi ya kuelewa kwa sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Dieu connaît Dieu. Nasema Mungu wanachua Mungu. Regardez ce que Dieu dit. Tazama ile ambayo Mungu anasema. Exode chapitre 14. Ndani ya Kutoka sura 14. Il dit aux Juifs. Anawaambia Wayahudi. Après qu'ils aient méprisé la promesse. Kisha kuzarau ahadi. 14:34. Dieu leur dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Mwaka moja kwa kulipa siku moja. Et vous saurez na mutajua ce que c'est que ila ambayo d'être privé de ma présence. Inamaanisha kukosa uwepo wangu. Donc Dieu, tu sais que c'est grave. Ni kusema Mungu najua kwamba ni hatari. Si quelqu'un a Dieu. Kama mtu ana Mungu. Et que c'est très grave. Na kwamba ni hatari. Si on n'a pas Dieu. Kama hauna Mungu. Quelle est la première chose? Ni jambo gani la kwanza? Que nous allons observer dans la vie d'une personne. Ambalo tutachunguza ndani ya maisha ya mtu. Un bien-aimé de Dieu. Mpendo wa Mungu. En qui Dieu offre sa gloire. Ambaye Mungu anampatia utukufu wake. Il y a des facettes. Kuna nyuso. De la gloire de Dieu. Za utukufu wa Mungu. Dans la vie des bien-aimés de Dieu. Ndani ya maisha ya mpendwa wangu. La première facette. Uso wa kwanza. C'est la présence de Dieu. Inakuwa ni uwepo wa Mungu. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Vous saurez mutajua ce que c'est que d'être privé de ma présence. Kukosewa na uwepo wangu. Donc Dieu sait. Ni kusema Mungu anajua. Dieu comprend. Mungu anaelewa. Que sa présence ya kwamba uwepo wake est infiniment précieuse. Inakuwa ya samani sana. Rater sa présence. Na kukosa uwepo wake. C'est tout rater. Ni kukosa mambo yote. Manquer la présence de Dieu. Kukosa uwepo wa Mungu. C'est tout manquer sur la terre. Ni kukosa yote duniani. Avoir la présence de Dieu, c'est tout attraper. Ni kupata yote. Parce que comment Dieu serait-il présent sababu namna gani Mungu atakuwa dans la vie de quelqu'un ndani ya maisha ya mtu en laissant ce qu'il est akiacha ile ambayo yuko mbinguni. On y fait bien. Suivez-moi bien. Nauliza hivi. Je demande ceci. Mungu. Dieu. Anaweza kunipatia présence yake. Est-ce que Dieu peut me donner sa présence? Kisha anaacha ile yeye iko kule mbinguni. Et puis il laisse qu'il est là au ciel. Dieu. Mungu. Peux-tu me donner ta présence? Unaweza nipatia uwepo wako. Comme une photo. Kama vile tu picha. J'ai la photo de Dieu. Niko na picha ya Mungu. Mais son contenu est resté au ciel. Lakini inayokuwa ndani imebaki mbinguni. Est-ce que c'est ça? Je ni hivyo. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Regardez. Tazama. Si un chef d'État vient chez toi à la maison. Kama raisi anakuja kwako nyumbani. Les gens vont constater ça. Watu watagundua hii. Même à 500 mètres. Hata kwa mita 500. Kutoka kwako. Pourquoi? Sababu gani? Parce que ce chef d'État là. Sababu raisi ule. Là où il se retrouve. Mali ambapo iko. Il y a les manifestations ou les phénomènes de sa présence. Kuna matukio, kuna kuonekana kwa uwepo wake. Les réalités de sa présence. Kuna ukweli ambao unafuatana na uwepo wake. Qui vont se manifester dans ce quartier. Ambao itaonekana ndani ya kata hiyo. Si tu vas dans un quartier, constate qu'il y a trop de roulage. Ukiingia ndani ya kata unaona ya kwamba kuna waskari. Déjà loin, on commence à virer les gens. Wanaanza kuwaambia watu wapite pembeni. Si il y a quelqu'un qui est arrivé dans le quartier. Wanawafukuza ni kusema kuna mtu amefika ndani ya kata hiyo. Vous avez déjà observé ça? Umeshagundua hii? Mbona mko baridi leo? Vous êtes trop froid aujourd'hui. Mko wako? Est-ce que vous êtes là? Aimez vous voir. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia Bwana. Est-ce que nous pouvons d'abord nous lever et puis célébrer Dieu? Vous comprenez, frère? Mon élève, changamuki à Mungu. Est-ce que mutoeza, mon amfraya, non? Nous pouvons d'abord nous réjouir de Dieu pendant 3 minutes. Okay, mais le temps va passer, il faut qu'on enseigne. Lakini mode tapite nomba tu fundishe. Il faut maintenant vous réjouir dans vos cœurs. Tumushangilie Bwana. Réjouis-toi de Dieu. Si on doit se vendre à quelqu'un, kama tunapaswa kujiuzisha kwa Mungu. Marché, c'est ni ule Mungu. Va te vendre à Dieu. Wende ukajiuzisha kwa Mungu. Les gens sont partis se vendre au diable. Watu wameenda kujiuzisha kwa shetani. Les gens se vendent à la prostitution. Watu wanajiuzisha kwa ukahaba. Quand j'ai commencé le ministère campus qui on est parti prêcher, c'était 1985. Tulipoanza huduma kwa campus pour Christ tukaenda hubiri ilikuwa mwaka 1985 ilikuwa Pansele. Et puis on est sorti pour aller évangéliser dans la ville. Na kisha tukatoka tukaenda ndani ya mji. Nikafika pa Ndolo. À côté de marché typique. Zigida. Nikafika karibu na soko Zigida ndani ya kata. Alors on a fait le porte à porte. Na kisha tukaanza kuhubiri mlango kwa mlango. Et puis oh, j'ai parlé avec une femme dans une maison. Na kisha nilikuwa nikizungumza na mama moja ndani ya nyumba. Et tout ce que tu dis là est c'est vrai. Na kisha naniambia yote unayosema hapa ni kweli. Makamuna zana kati. Lakini unaona mambo ambayo niko ndani. Suki na tiki. Nikiacha tu hii. Na kuzala wanani? Nitakuwa wanani? Donc amiteka. Ni kusema ameshajiuzisha. C'est déjà vendu à quelqu'un. Ameshajiuzisha kwa kitu fulani. Malheureusement, bahati mbaya, celui qui l'a acheté l'a roulé. Ula mbaya alimuuza, alimununua, parce qu'il a fait l'effort ame de lui boucher les yeux. Sababu amejikasa na amemfunga macho. Pour qu'elle ne se rende pas compte. Ili asigundue. Qu'il y a des meilleurs marchés. Ya kwamba kuna soko zilizo bora. Qu'il y a des beaux acheteurs. Ya kwamba kuna que celui qui l'a acheté. Wazuri kuliko yule aliyemnunua. Un moment à Kindu. Wakati moja Kindu. Wakati ya RV ya si parti prêcher. Ilikuwa pakata ya RV ya nilienda hubiri. Dale manganga la ya quelque part là. Nafasi moja. Vous connaissez le manganga. Mnajua manganga. Je suis entré dans une maison. Nikaingia ndani. J'ai trouvé des gens, il y avait une dame. Nikawakuta watu kulikuwa mama moja. Et puis je lui ai prêché. Na kisha nikamhubiri. Il dit tout ce que tu viens de dire c'est vrai. Anasema yote ambayo unamaliza kusema ni kweli. Je suis musulman. Hakika mimi ni muislamu. Et tu vois je suis une femme. Non, non, mimi ni mwanamke. Si j'ose croire recevoir Jésus là. Ni kusema nikiamini tu Yesu. Le foyer se termine. Unyumba inaisha. Unyumba inaisha. Le foyer c'est fini. Non, nishajiuzisha hapa. Ça veut dire que je me suis déjà vendu ici. Nikitika Yesu. Et si j'accepte Jésus? Le verse du marché c'est quoi? Kinyume ya hii soko ni nini? Bas. C'est fini. Mimi naisha. Je suis fini. Si quelqu'un pouvait se vendre à quelqu'un, je t'annonce ce soir, le vrai marché c'est Dieu. Je disais à Dieu ce soir, hier soir, je te vends mon esprit. Je te vends sans argent. Je te vends mon avenir. Je te vends mon avenir. Oh, isamina imbaka yaka Zwanga Unitwae. Zwanga Unitwae. Zwanga Frère. Ndugu. Il y a un bon marché. Kuna soko nzuri. Vends-toi à l'Éternel. Ujiuzishe kwa Mungu. Je disais. Nilikuwa nikisema. La première facette. Uso wa kwanza. Du kabode de Dieu. Ya utukufu wa dans Mungu. La vie de son bien-aimé. Ndani ya maisha mpendwa wake. C'est la présence. Ni uwepo wa Mungu. Et Dieu comprend la valeur de cette présence. Na Mungu anaelewa thamani ya uwepo wake. Anasema mtaelewa ni nini de rater ma kukosewa na uwepo wangu. Parce que vous avez douté de ma promesse. Sababu mume. Je vous ai dit. Niliwaambia. Que vous allez à Cana. Ya kwamba mtenda Kanana. J'ai fait des preuves en Égypte. Na nikafanya vitambulisho pa Misri. Vous êtes sorti en main forte. Na nikawaondoa huko kwa mkono wenye nguvu. Vous avez compris que je suis quelqu'un. Na mkaelewa ya kwamba mimi ni mtu. Vous avez compris. Mkaelewa. que vous pouvez même être riche. Ya kwamba mnaweza kuwa hata matajiri. Vous avez donné l'occasion de prendre les richesses chez les Égyptiens. Nikawapatia hata vous avez pris l'or. Vous avez pris les pièces précieuses. Vous avez pris les richesses des Égyptiens. Mulichukua dhahabu na mawe ya samani. Et vous avez ça même sur vous. Na mnayo hata kwenye mikono yenu. Je vous ai fait passer par la mer rouge. Nimewapitisha kupitia bahari nyekundu. Vous n'avez rien compris. Na hamkuelewa kitu hadi sasa. Maintenant. Sasa. Vous avez fait 40 jours. Mumefanya siku 40. D'exploration. Mukienda kupeleleza. Voici le châtiment. Tazama sasa. Une année pour un jour. Mutakuwa mnalipa siku mwaka moja kwa siku moja. Une année pour un jour. Mwaka moja comme kwa vous avez exploré pendant 40 jours. Jisi mulipeleleza muda wa siku makumi. Mukiona vitambulisho vyangu. Mukiona mambo ambayo mimi nawapatia. Mukiona ila ambao mtakuwa na uwezo wa kuwa nayo. Kupitia uwepo wangu. Vous n'avez pas cru à ma présence. Nahamukuamini uwepo wangu. Vous n'avez pas cru à la valeur, à la richesse de ma présence. Hamkuamini samani utajiri wa uwepo wangu. Vous avez compté sur vos forces. Mulihesabu mulitegemea nguvu zenu. Vous êtes regardé comme des sauterelles. Na mkachiangalia kama mapanzi. Vous avez fermé les yeux. Mukafunga macho. Face à mon existence. Mbele ya kuwa kwangu. Face à ma présence. Mbele ya uwepo wangu. Vous m'avez ignoré. Na mukanisahau. Une année pour un jour. Mutalipa mwaka moja kwa siku moja. Dans le désert. Ndani ya jangwa. Pas au Congo. Hapana Congo. Parce que si on fait une année pour un jour au Congo, c'est pas grave. Sababu ukifanya mwaka moja kwa kulipa siku moja Congo sio hatari. Je tourne derrière la maison, j'attrape kachimba. Naenda nyuma nyumba napata kachimba. Je coupe une bananier. Na kata. Je tourne, j'arrache les manioc na leta muhogo. Avec les richesses, pamoja na utajiri wake, les pondus, na kata sombe, et puis une année se termine. Une année pour un jour dans le désert. Lakini mwaka moja kwa siku moja ndani ya jangwa. Et vous saurez, na mtajua, c'est que ni nini d'être privé kukosewa de ma présence. Na uwepo wangu. Munacheza na présence ya. Vous jouez avec ma présence. Vous minimisez ma présence. Munazarau vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ma présence. Ni nini samani ya uwepo wangu. Ma présence. Uwepo wangu. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, wakati Mungu anakuja ndani ya maisha ya mtu, sa gloire, utukufu wake, se manifeste par la présence de Dieu dans cette vie. Inaonekana kupitia uwepo wa Mungu ndani ya ule mtu. Et cette présence na uwepo huu a des facettes. Inakuwa na nyuso zake. Lesquelles? Ni wapi? Ziko wapi? L'autorité. Inakuwa ni mamlaka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Lorsque vous avez la présence de Dieu, wakati una uwepo wa Mungu, vous avez l'autorité de Dieu. Una mamlaka ya Mungu. Dans Psaume 18, 30, il est écrit: avec toi, je me précipite sur une troupe en arc. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Zaburi 18 mstari wa 13 maandiko ya kwamba pamoja na wewe ninaruka hata ukuta. Naweza kushambulia hata maadui zangu. Ni uko na nani? Niko pamoja na Bwana. Pamoja na wewe naweza kushambulia hata watu ambao wanabeba silaha. Pamoja na yeye naweza kuruka hata ukuta. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. L'autorité. Mamlaka. Les gens me respectent. Watu wananiheshimu. Quand je dis un mot, ninaposema neno moja, les gens écoutent. Watu wanasikiliza. Les paroles de ma bouche, maneno ya kinywa changu, sont empreintes d'autorité. Yanajaa mamlaka. Parce que Dieu est avec moi. Sababu Mungu iko pamoja na mimi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 7, verset 29, il est écrit: ndani ya Mathayo 7 mstari wa 29 imeandikwa. Ils étaient frappés d'étonnement. Walishangaa. Car Christ, sababu Kristo, enseignait comme ayant autorité. Kama mwenye mamlaka. Et non pas comme les scribes. Na hapana kama waandishi wa sheria. Quand les gens écoutaient Christ, wakati watu walimsikiliza Kristo, ils se demandaient. Walikuwa wakijiuliza. C'est les filles de Joseph, non? Huyu si ni mtoto wa Yusufu huyu. Et de Marie. Na Maria. Mais quand on l'entend parler, lakini tunapomsikiliza kisema, j'imagine qu'il y a même certains vieux, nawaza hata kuna wazee wa moja, qui ont l'expérience des choses, ambao wanakuwa na utaalamu wa mambo, wangepaswa kuja wanachunguza. c'est petit là. Ni ule kijana ule. Car il enseignait non pas comme les scribes. Sababu alikuwa akifundisha pana kama waandishi wa sheria. Avec autorité. Lakini alikuwa akifundisha pamoja na mamlaka. Ni kusema nini? Il parlait comme si c'est lui qui parle. Alikuwa akisema kama ni yeye ndiye anayesema. Tempête, arrête-toi. Enyi zoruba, na usimame. Silence. Kimya. Et puis on voit les lacs Tanganyika qui avaient des montagnes. Wanaona ziwa Tanganyika iliyokuwa na milima yote inashuka. Inakwisha. And he says, na wanasema, qui est celui-ci? Huyu ni nani? A qui obéis? Même le vent et la tempête. Ambaye hata zoruba na mawimbi wanatii. Et pose la question. Na wanauliza swali. C'est quelle doctrine? Ni mafundisho gani? C'est une nouvelle doctrine. C'est ni mafundisho mapya. Qui est démontré avec puissance. Ambaye naonekana kupitia wewe. Quelle est cette nouvelle chose qui arrive? Ni kitu gani ambao unafika? C'est dû à quoi? Inatokana na nini? La présence. Uwepo. De Dieu. Wa Mungu. Seigneur, accorde-moi ta présence. Bwana unipatie uwepo wako. Quand il y a la présence de Dieu. Wakati una uwepo wa Mungu. Elle te procure l'autorité. Inakupatia mamlaka. L'autorité. Mamlaka. C'est-à-dire les circonstances. Ni kusema majira. Les temps. Wakati. Les événements. Matukio. Les êtres. Watu. Sont obligés de se soumettre à toi. Wanapasha kukutii. Sans effort. Bila kujikaza yoyote. Sans effort. Bila kujikaza yoyote. L'autorité. Mamlaka. Dans Esaïe 12:6, il est écrit. Poussez des cris de joie à l'Éternel, car il est grand au milieu de toi. Quand sa présence est en toi, il est grand en toi. Au point que ça inspire de l'autorité. Tu veux que les choses se soumettent à toi? Unahitaji mambo yatii mbele zako. Cherche la présence. Tafuta uwepo wa Mungu. Tu veux que les démons se soumettent à toi? Unahitaji mapepo wa kutii. Cherche la présence. Tafuta uwepo wa Mungu. La présence. Uwepo wa Mungu. Sa présence que j'aime. Que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence, je l'aime, je l'aime, ta présence, je l'aime, tu es mon roi. Lorsque le roi vient chez toi, wakati mfalme anakuja kwako, tu bénéficies, unafaidia, de ce qui est dû au roi. Na ile ambayo wanapaswa kutoa kwa mfalme. Si tu voyages, ukisafiri avec quelqu'un, pamoja na mtu, qui est ami du président, ambaye ni rafiki wa rais, et que les gens voient tout le temps avec le président, na watu wanamuona kila mara pamoja na rais, tu vas arriver dans des barrières. Mara utafika kwenye mipaka. On va ouvrir. Watafungua. Parce qu'on va dire, sababu utasema, faut pas commettre des erreurs ici. Ayomba hapa tufanye makosa. Parce que ukikosea, habari inapanda, inafika saa hii. Parce que si tu fais une erreur, habari inafika saa hii. L'information va arriver tout à l'heure là. Saa hii. Tout à l'heure. Je parlais avec une sœur dans le passé, dans les entretiens, elle m'a parlé de sa visite vers quelque part là, je crois, dans le Grand Nord ici. Elle a rencontré des gens. Et puis à un moment donné, elle était dans une famille. Et puis un vieux a entendu le nom de cette fille. Il a commencé à trembler. Or son nom, ichapokuwa jina lake, c'était le nom de grand. Ilikuwa ni jina la mtu mkubwa. Dans la généalogie de grand de l'islam là. Ndani ya wazazi wa wakubwa wa Uislamu. Hey. Et son nom. Ajinalake. Quand il vit là, il est venu avec beaucoup de respect. Alikuja na heshima nyingi. Tu es de la famille là. Uko wa jamaa ile. Et dit oui mais. Anasema ndio. Et c'est ce jour qu'elle s'est rendue compte. Na ni siku hiyo ndio Paul pogondo. Son nom. Maana ya jina lake. Elle ne savait pas. Na yeye mwenyewe alikuwa hajui. Et il y avait des anciens. Na kulikuwa wazee. Qui a convoqué les autres. Akawaita wazee wengine. Pour la recevoir. Ili waweze kumpokea. Nous sommes dans quelles affaires? Juu ya nini? Pourquoi? Ya jina tu. À cause du nom. Le nom rappelle. Jina nakumbusha. L'autorité. Inaita mamlaka. Dans une certaine sphère. Ndani ya uwanja fulani. Frère sœur. Ndugu dada na kaka. Quand il y a Dieu. Wakati una Mungu. Il y a des choses. Kuna mambo. Qui vont se soumettre à l'autorité. Ambazo zitati. Mais cette autorité mamlaka est où? Lakini mamlaka hiyo iko wapi? Le Dieu autoritaire. Mungu mwenye mamlaka. Est venu en toi. Amekuja ndani mwako. Sa présence. Uwepo wake. Sa présence. Uwepo wake. La première chose disais-je. Jambo la kwanza nilikuwa nikisema. Que produit la présence. Ambayo uwepo wa Mungu inaleta. C'est l'autorité. Inakuwa ni mamlaka. Qui voudrait être autoritaire aujourd'hui? Nani ambaye anahitaji awe na mamlaka leo? La deuxième chose. Jambo la pili. Le respect. Inakuwa ni heshima. Quand tu es avec le Dieu vivant. Wakati uko na Mungu aliye hai. Sa présence dans ta vie. Uwepo wake maishani mwako. Va inspirer du respect. Itashurutisha heshima. Pour toi. Mbele yako. Alléluia. Hey, amen. Alléluia. Hey, amen. Dans Exode 15:4, il est écrit, il a lancé dans la mer des chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Lorsque l'armée de l'Égypte est engloutie dans la mer Rouge, les nations alentours ont appris ça. C'était déjà un prérequis. Lorsqu'Israël marchait dans les nations pour aller à sa destination, les royaumes et les rois tremblaient. Parce que ils savaient que ces hommes et ces femmes ya kwamba wanaume hawa na hawa wanawake sont avec quelqu'un. Wako pamoja na mtu. La présence de quelqu'un est wepu avec wa mtu moja iko pamoja la na wewe. Présence de ce quelqu'un wepu wa ule a ouvert la mer Rouge. Ikafungua bahari nyekundu. Et ça inspirait na hii le respect. Ikashurutisha heshima. Dans Josué 2:9, il est écrit. Joshua 2:9 imeandikwa. Et leur dit, l'Éternel, je le sais. Ça c'est un de roi. Na uambie mfalme Mungu namjua. L'Éternel, je le sais. Vous a donné ce pays. Najua Mungu amewapatia nchi hii. La terreur que vous inspirez. Na woga ambao unaleta ambao imetushika. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Na wakaji wote wa hii nchi wanatetemeka mbele zenu. La terreur que Dieu inspire. Woga ambao Mungu analeta. Comme si Dieu est dans la vie d'un individu. Jinsi Mungu huyu ndani ya maisha ya mtu. Cette terreur se transporte. Hii woga inasafiri. Ce respect se transporte. Hii heshima inasafiri. Et vient dans ta vie. Na inakuja maisha ni mwako. Et la gloire de Dieu na utukufu wa Mungu dans ta vie ndani ya maisha yako se manifeste inaonekana par le respect que tu inspires kupitia heshima ambao unakuwa ukishurutisha tu inspires du respect unashurutisha heshima non pas parce que tu es géant hapana sababu wewe ni mkubwa zaidi ou que tu es belle ama wewe ni mrembo ou que tu as beaucoup d'argent ama kwamba una pesa nyingi mais il y a quelqu'un lakini kuna mtu qui inspire la terreur ambaye anashurutisha de tous les siècles anashurutisha dans tout l'univers ndani ya miaka zote na ulimwengu mzima c'est quelqu'un est venu habiter en toi amekuja ameketi ndani mwako il t'a offert sa présence na akakupatia uwepo wake il t'a offert sa présence akakupatia uwepo wake. Dans le psaume 33, verset 8, il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel. Zaburi 33, mstari wa 8, imeandikwa ya kwamba ulimwengu wote na Mungu. Tous les habitants du monde tremblent devant lui. Na wakaji wote wa ulimwengu watetemeke mbele zake. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Inspire le respect. Inashurutisha heshima. Le respect. Heshima. C'est la manifestation inakuwa ni kuonekana de la gloire de Dieu kwa utukufu wa Mungu dans ta vie, ndani ya maisha yako, au travers de sa présence, kupitia uwepo wake. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Donc lorsque nous avons la présence de Dieu, nous avons son autorité. Tunakuwa na mamlaka yake. Et Dieu vient avec tout ce qu'il est. Na Mungu anakuja na yote ambayo iko. Et il s'impose. Na anajishurutisha. Nous avons du respect. Tunakuwa na heshima. Sa présence inspire du respect. Uwepo wake inashurutisha heshima. En réalité, ce n'est pas le respect de nous. Kwa kweli hii sio heshima ambayo watu wanatupa. C'est le respect de Dieu. Ni heshima ambayo wanapatia Mungu. Mais nous nous profitons de sa présence. Lakini sisi tunafaidia uwepo wake. Quand les choses ont l'air de se soumettre à nous. Wakati mambo yanatafuta kutii mbele zetu. En réalité les choses ne se soumettent pas à nous. Hakika mambo haya yatii mbele zetu. Elles se soumettent à lui. Lakini yako yanatii mbele yake. Qui est avec nous. Ambaye iko pamoja na sisi na ambaye iko ndani mwetu. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Cherche sa présence. Tafuta uwepo wake. David avait raison lorsqu'il dit j'étais dans la joie qu'on m'a dit alors dans la maison de l'Éternel. Daudi alikuwa na sababu aliposema nilifurahi waliponiambia nenda nyumbani mwangu. Sa présence. Sababu ninapokuwa ndani ya uwepo wake. Ça me fait du bien. Ninakuwa na furaha. Hallelujah. Amen. Sa présence inspire aussi la soumission. Uwepo wake unashurutisha pia utiifu. La facette de sa présence. Ama uso watatu huwa uwepo wake inakuwa ni utiifu. La soumission. Utiifu. La soumission. Utiifu. Habakuk 3:10 il est écrit. Ndani ya Habakuk à ton aspect, kwa kuonekana kwako, les montagnes tremblent. Milima zinatetemeka. Les torrents d'eau se précipitent. Vijito vya maji vinakimbia. L'abîme fait entendre sa voix. Hata na janamu nasikiliza sauti yake. Et l'abîme lève ses mains en haut. Na kuzimu nanyosha mikono yake juu. L'abîme dit oh les mains. Kuzimu nasema mikono juu. La terre était informe et vide. Ulimwengu ulikuwa tupu na wazi. Genèse 1:2. Mwanzo moja mstari wa pili. Et l'esprit se mouvait. Na roho alikuwa. Au-dessus de l'abîme. Alikuwa juu ya hiyo anga. Et l'abîme, c'était quoi en fait? Na ilikuwa nini? C'était cette chose. Ilikuwa ni ile kitu. C'était l'existence. Ilikuwa ile kukua. Voyez quand vous regardez l'image de l'univers. Unaona unapotazama picha ya ulimwengu. Dans ces photos des astronomes. Ndani ya hii picha ya wanaojifunza ulimwengu. C'est comme l'abîme. Inakuwa kama kitu kile. Dans lequel il y a des trucs lumineux. Ambao kuna vitu kama mwangaza. C'est comme un abîme. Inakuwa kama tu kitu moja hivi. Sans fin. Ambayo haina mwisho. Et l'esprit s'est mouvé au-dessus de l'abîme. Na roho ilikuwa juu ya hiyo. Et l'abîme, quand Dieu vient, na Mungu anapokuja, l'abîme lève les mains. Hii kitu nanyosha mikono yake juu. Elle lève les mains. Inanyosha mikono juu. Les montagnes tremblent. Milima zinatetemeka. Toutes choses se soumettent. Kila kitu kinatii. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Hébreux 2:8, il est écrit. Hébreux 2:8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Umeweka kila kitu chini ya miguu yake. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Hakuna kile ambacho hakiko chini yake. Tout est soumis à Dieu. Yote natii mbele ya Mungu. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Tout est soumis. Yote natii. Même ton ennemi le plus arrogant. Na hata adui yako hana tena kiburi. Lorsque tu as la présence de Dieu. Sababu wakati unakuwa na uwepo wa Mungu. Il va commencer à être gentil. Ataanza kuwa mzuri. La Bible dit les paniers vont passer si vitunga vya sadaka vitakuwa vikipita. La Bible dit Biblia nasema quand Dieu est favorable aux voix d'un homme. Wakati Mungu anakubali njia za mwanadamu. Quelle est la meilleure favorabilité de Dieu envers un homme? Ni kibali gani iliyo nzuri zaidi mbele ya mwanadamu? He dispose même les méchants. Anaweka hata watu waovu wafanye amani pamoja naye. La soumission. Utiivu ama kunyenyekea. Sababu Mungu yuko pamoja nami. Je suis tranquille. Niko je suis dans la paix. Ninatulia niko ndani ya amani lakini nagundua. Il y a des choses qui commencent à se soumettre à moi. Ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaanza kunyenyekea mbele yangu. L'argent commence à se soumettre. Pesa inaanza kunyenyekea. Je touche à quelque chose ça marche. Nagusa kitu mambo inaendeka. Je parle et la chose arrive. Nasema na jambo linatimia. Les choses se mettent en ordre. Na mambo yanawekwa wanawekwa. À mon approche. Yanapangwa sawa sawa linapokaribia. Njia inaanza kuchapwa. Les choses se dessinent. Mambo yanachapwa vizuri. Le chemin se trace. Njia inachapwa. Bwana sifiwe. Hey, amen. Bwana sifiwe. Hey, amen. La soumission. Unyenyekevu. Faut que nous prions. Nous allons prier d'abord pour ce que nous avions appris aujourd'hui. Et nous allons continuer avec d'autres facettes. La deuxième facette de la gloire de Dieu dans notre vie. Uso wa pili wa utukufu wa Mungu maisha yetu inakuwa ni kibali. On va parler de ça demain. Na hii tutaizungumzia kesho. La faveur. Kibali. La faveur. Kibali. Et on va continuer. Il faut qu'on termine. Il y a beaucoup d'autres chapitres. Tutaendelea kuna vipengele vingi. Ça pour aborder les autres chapitres de notre thème. Attire Dieu. Vutia Mungu. Et sa gloire dans notre vie. Na utukufu wake maisha yetu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Kuna mtu anaweza kumshangilia Bwana. Tu te lèves en même temps. Na unakuwa ukisimama. Mettez le tableau de les éléments au tableau que les gens aient ça en vue. Unaweza kuweka. Bien si tu as ça dans tes notes, c'est bon. Ama kama una ile vitu vyote ndani ya maandishi yako ni vizuri. Donnez-nous ce cantique là. Eh oh, le chant de tout cœur. Na tunaimba kwa moyo wote. Jesus. Tuchangamukie Mungu. Nous allons nous réjouir de Dieu. Ta présence que j'ai